place pour deux. Cet étroit emprunt de solitude, assis dans l'obscurité de la lune, je souris à la lucidité brune. Je suis arrivé là où tout partait, avec une belle humeur d'été. Et soudain seul je me suis caché, l'hiver dans toutes les pensées. Il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour deux. Pour deux. Faudrait qu'un de nous ait la foi, qu'il convertisse l'autre au moins une fois. Mais seul dans le vide de nos filles, que rien ne comble car tout finit. Dans le cœur tout est encombré de ces choses finies. Gérer. Il n'y a pas de place pour deux. Il n'y a pas de place pour deux. Pour deux. Pour deux. Cet étroit emprunt de solitude.